comme ça qu'on les réveille. Réveille au son du carnage. On les réveille au son de la carnage. Les doigts sont remplis de schloss. J'serai au moins dans le cul tard connasse quand j'aurai pris le coup de grâce. Passe les go, passe les euros, passe les années. Passe les clashs, guerre, ma carrière est cellophane. Le fan monde est autodiragé, comme il crime, j'en suis pas fier. J'suis avec Théo, fuck les Schmitt, trotte avec mon slip en fer. Méprise le game, maîtrise le game depuis des années. Route, pavé de pétard, fleur, ni mal n'a jamais fané. La Vierge Marie, Jésus-Christ, regarde le travers. J'arpente tout l'été, j'arpente tout l'hiver, j'fais que du sale zère. L'arme de guerre chargée dans le coffre n'est qu'un détail. Millions d'euros pour moi, l'euro rôle n'est qu'un métal. J'ai pas un femme et pas un rien, lui dis j'en achète un rhum. J'vais serre tous ces fils de pute, leur santé j'm'en bats les couilles. Allez les bleus, allez les lions, moi je suis un VD2. Tous seuls les baisers nous devons demander à D2R2. Tous les jours les gros c'est Friday. F65 j'aurai des bleus sénégalais. Gros salaire de l'Atlético comme jamais. J'ai pas ce qui valait. Tous les jours les gros c'est Friday. F65 j'aurai des bleus sénégalais. Gros salaire de l'Atlético comme jamais. J'ai pas ce qui valait, yeah. T'es plein de wesh la mif salam cousin, c'est quoi les bails? Ta tronche d'enfant de putain ne me dit rien qui vaille. J'ai du mal avec les humains car instinct animal. J'ai craché, garde la pêche, pute, il va falloir que tu ailles. Chez toi y'a Angui sous roche, chez moi y'a qu'à la choundra. Quand la route tourne que je t'encule, j'appelle ça le karma sutra. T'as beau faire du MMA, j'vais te faire bouffer ton RSA. Tu n'y l'as pas mais j'étais là. T'as 6 étoiles, non j'étais A. Ça prend des tipis, KO debout, passe aux assises. La justice a deux vitesses, le Lamborghini en assise. Quand j'étais minot, beaucoup de négro, corde au cou. Vénus de Milo, Anus de Gilo, je veux tout. J'ai pas un peu mais pas un rien, lui dis dans la champagne ronde. J'vais serre tous ces fils de pute, leur santé j'm'en bats les couilles. Allez les bleus, allez les lions, moi je suis un peu des deux. Tous seuls les baisers nous devons demander à des deux R2. Tous les jours les gros c'est Friday. F65 j'aurai des bleus sénégalais. Gros salaire de l'Atlético comme jamais. J'ai pas ce qu'il fallait. Tous les jours négro c'est Friday. F65 j'aurai des bleus sénégalais. Gros salaire de l'Atlético comme jamais. J'ai pas ce qui valait.